Assis sur cette tombe, j'attends les colombes qui reviendront. Saint-Valentin est enterré à mes côtés. Pourtant, il fut mon sauveur il y a longtemps déjà. Quand il me fit rencontrer Fatima, assis sur cette tombe, j'attends les colombes qui reviendront. L'amour a tout gâché, je l'ai tué. Valentin, excuse-moi, je voulais pas en arriver là. Mais tu as tout gâché, et maintenant tu dois payer.